franceinter.com. Ans avant l'effondrement du mur de Berlin, certains y ont vu les prémices de la chute de l'Empire soviétique. L'invasion de l'Afghanistan par les soldats de l'Armée rouge en 1979. Ce sera leur Vietnam, avaient prédit quelques stratèges occidentaux, qui avaient peut-être d'ailleurs intrigué afin de précipiter l'URSS dans le piège afghan. Et effectivement, les Soviétiques n'en sortiront qu'au début 1989, après 10 ans d'une guerre aussi coûteuse en hommes qu'en roubles. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombera, entraînant la dislocation progressive du glacis de l'Europe de l'Est. La décision de Moscou de s'engager militairement en Afghanistan est donc une question fondamentale, mais elle ne s'est pas imposée d'emblée. Elle a même été l'objet de longues discussions au sein des plus hautes instances de l'URSS. Et, c'est en tout cas l'opinion de M. X, elle a aussi donné lieu à un certain nombre de manœuvres tortueuses où se sont affrontées les ambitions des hommes qui voulaient succéder à un Brejnev affaibli et malade. La conséquence, c'est que dans la mise en œuvre de l'opération elle-même, on a assisté à une étrange confusion. On en a une illustration spectaculaire avec la récente parution d'un récit exclusif dans un nouveau magazine Guerre et Histoire. Le témoignage hallucinant du chef du commando soviétique chargé de liquider le numéro 1 afghan, Hafizullah Amin, un dirigeant communiste qui avait pourtant été hissé à la première place par les hiérarques du Kremlin. La suite dans un instant. See Un mot d'abord. L'histoire de l'Afghanistan entre 1978 et 1979 n'a rien à envier à celle des Borgia au temps où ils régnaient sur Rome. C'est une succession d'assassinats dans les premiers rangs du pouvoir, alors même que le pays est déjà passé sous le contrôle de l'URSS. Ça veut donc dire alors que les soviétiques sont incapables de contrôler la situation. Et qu'en tout cas, leur modèle est parfaitement inadapté à un pays qui demeure encore féodal par bien des aspects. Et notez-le bien, ça explique aussi ce qui se passe aujourd'hui. L'impossibilité pour la coalition occidentale d'imposer la paix et de venir à bout des talibans. Oui. Le bourbier afghan. Oui, une guerre dont on ne voit pas comment elle pourrait se terminer. Ici, il faut rappeler qu'autrefois, on appelait l'Afghanistan le pays des insoumis, et les Britanniques en particulier s'y sont cassés les dents. Alors, pour bien comprendre, comme d'habitude, il faut faire un petit retour en arrière. Ouais, ne remontez pas trop loin quand même. Hein. D'accord, c'est promis. D'autant que ce n'est pas la première fois que nous parlons ensemble de l'Afghanistan. Un rappel donc. L'Afghanistan a toujours été convoité par les deux empires qui l'encadrent. Ouais, c'est-à-dire les Russes et les Britanniques. Les Britanniques, maîtres des Indes, oui. Et cette compétition a donné lieu à ce qu'on a appelé le grand jeu. Cependant, c'est demeuré un royaume relativement indépendant. Une indépendance qui n'a pas pour autant engendré la paix, car les multiples ethnies qui composent l'Afghanistan n'ont cessé de guerroyer les unes contre les autres. Oui, mais au fond, ça continue. Hein. Après la révolution d'octobre, Lénine, assez spectaculairement, reconnaît en l'Afghanistan le premier et unique État musulman indépendant du monde. Et très vite, la jeune République soviétique envoie à Kaboul des armes et des instructeurs militaires. Et pourquoi ? Pour faire pièce aux Britanniques hein ? Ah bah naturellement. Mmh. Staline, lui, sera beaucoup plus circonspect. Et dans cette partie du monde, il s'occupera surtout de régner d'une main de fer sur les républiques d'Asie centrale qui font partie de l'URSS. Mmh. Donc pas question de soutenir le nationalisme islamiste. Bien sûr. Mmh. Après la Seconde Guerre mondiale, la monarchie afghane essaie de se maintenir à mi-distance entre les deux blocs. Mais le jeu change brusquement lorsque les Indes deviennent indépendantes et que deux États sont créés, le Pakistan et l'Inde. Pour les Afghans, c'est très grave. Mais pour quelle raison, là ? Parce qu'en traçant la frontière pakistanaise, le colonisateur a coupé en deux le territoire pachtoun. Et les pachtouns représentent la principale ethnie afghane. Hein. Le résultat, c'est une longue guerre frontalière entre l'Afghanistan et le nouvel État pakistanais. La question pachtoun restait d'ailleurs pendante. Hein. On en a parlé très récemment. Hein. Et c'est aussi une des clés de la guerre actuelle. Mais enfin, n'y revenons pas. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les Afghans, fidèles à leur politique traditionnelle, tentent de garder leur distance, tant avec le monde communiste qu'avec les puissances capitalistes. Mais les Américains, à qui ils adressent plusieurs demandes d'aide, choisissent le camp pakistanais. Pourquoi ? Le Pakistan leur semble, non sans raison, avoir une plus grande importance stratégique. Tandis que l'Afghanistan est un pays encore moyenâgeux, enclavé dans ses montagnes. La conséquence immédiate, c'est un rapprochement de Kaboul avec l'URSS qui aide le royaume afghan à s'équiper, à se moderniser. Mais l'Afghanistan ne bascule pas dans le camp soviétique. Ah, pas encore, non. Et à plusieurs reprises, Kaboul fera encore des appels du pied à Washington. Mais sans succès. Ça permet à l'influence soviétique de progresser en Afghanistan. Au milieu des années 60, on assiste à la création d'un parti communiste, le PDPA, Parti démocratique du peuple afghan. Parmi ses dirigeants, trois hommes qui vont jouer un rôle éminent dans l'histoire de leur pays. Taraki, Amin et Karmal. Et qui sont-ils alors c'est... Les deux premiers, Taraki et Amin, appartiennent à la même tribu pachtoun. Ils sont d'origine modeste, mais l'un, Taraki, a fait ses études en Inde. Tandis que l'autre, Amin, a fréquenté plusieurs prestigieuses universités américaines. Et le troisième, là Karmal, c'est le fils d'un général appartenant à une tribu qui règne depuis des générations sur le royaume. Ils n'ont donc pas grand-chose en commun, enfin, même s'ils appartiennent au même parti. Et ils vont d'ailleurs rapidement se déchirer, surtout à partir du moment où l'Afghanistan basculera franchement dans le camp socialiste. Et ça se passe quand, ça, alors ? La première étape a lieu en 1973. L'ancien premier ministre Daoud, pourtant cousin du roi, renverse ce dernier. Il devient président de la Nouvelle République et il s'affiche résolument moderniste. Et ce Daoud-là est communiste ? Absolument pas. Mais c'est lui qui a été l'artisan du rapprochement avec l'URSS. Et surtout, pour réussir son putsch, il s'est appuyé sur des officiers formés par les soviétiques. Ouais, il est donc d'une certaine manière l'otage de Moscou. C'est certain. D'autant qu'il doit faire face à une opposition islamiste très déterminée qu'il va réprimer sans pitié. Alors, pourquoi cette opposition islamiste là ? Parce que les chefs religieux sont hostiles à toute transformation de la société traditionnelle afghane. Ouais, ce sont des talibans avant l'heure. Donc, Daoud s'appuie sur les communistes, les plus modérés en tout cas. Mais il réalise assez vite que les partisans de Moscou en profitent pour noyauter l'armée et l'administration. Et que peut-il faire alors ? Il limoge des ministres communistes et amorce un rapprochement avec ses deux voisins pro-occidentaux, le Pakistan et l'Iran. Ouais. Et Moscou va réagir. Ah bah forcément, Brejnev réplique à sa façon. En avril 1978, des militaires proches des communistes s'emparent du palais présidentiel. Daoud et sa famille sont massacrés. Ouais, premier massacre. Et les communistes sont donc maintenant ouvertement au pouvoir. Oui, Taraki devient le président de la nouvelle République démocratique d'Afghanistan. Et ses deux amis et rivaux, Amin et Karmal, entrent dans le gouvernement. L'Afghanistan est devenu une démocratie populaire. Et Moscou est la première capitale à reconnaître le nouveau régime. Et quelle est la réaction en Occident ? C'est loin, l'Afghanistan. D'une façon très pragmatique, les États-Unis considèrent que ce pays ne fait pas partie de leur périmètre de sécurité et qu'il appartient traditionnellement à la zone d'influence soviétique. Par conséquent, ils ne s'émeuvent pas outre mesure. Et dans un premier temps, ils laissent faire. Ça veut dire que dans un deuxième temps... Bien sûr, et à ce moment, l'essentiel n'est pas là. Les communistes sont donc au pouvoir. Et sous la direction du président Taraki, ils entreprennent une marche forcée vers le socialisme. C'est absurde. Ouais, je crois deviner pourquoi, mais expliquez quand même. Eh bien, d'abord parce que même s'ils sont au pouvoir, les communistes afghans sont très minoritaires dans le pays. Et ensuite, parce qu'en décrétant immédiatement des réformes radicales, ils prennent à rebrousse-poil une société agraire et religieuse qui n'est nullement prête à les approuver. Même la politique de redistribution des terres suscite l'opposition des paysans. Ah ben pourquoi ça ? Parce qu'elle est mal appliquée et qu'elle ne tient pas compte des traditions locales. Quant à l'alphabétisation, elle entraîne aussitôt l'hostilité des islamistes qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des écoles où le Coran n'est pas la base de l'enseignement. C'est-à-dire que les nouveaux dirigeants communistes là, appliquent des schémas tout à fait inadapté au pays. Oui, oui, au pays des insoumis, cela ne pouvait déboucher que sur une tragédie. D'autant que certains avaient intérêt à attiser le feu. En tout cas, très rapidement, des groupes islamistes résistent au nouveau gouvernement communiste du président Taraki. 3 mois à peine après le coup d'État, un soulèvement se produit dans le nord-est du pays. Alors, vous avez dit des gens qui attisent le feu, alors qui soufflent sur les braises. En premier lieu, il faut penser aux voisins pakistanais. Et un peu plus tard, lorsque Khomeini aura pris le pouvoir à Téhéran, les islamistes recevront l'aide iranienne. En tout cas, la réplique du pouvoir est brutale et la répression féroce. Taraki tente même de dresser les différentes tribus les unes contre les autres. Et ça suffit à juguler les soulèvements, ça ? Non, la répression, c'est bien connu, ne fait qu'attiser la rébellion. Rendez-vous avec X. Je vous propose ici l'analyse de l'un des meilleurs spécialistes de la région, Michael Barry. Dans son livre, au titre éloquent « Le royaume de l'insolence », il écrit ceci sur le régime communiste mis en place par Taraki. Contrairement à une idée reçue, la brutalité du parti communiste afghan n'a pas été provoqué par son impatience devant les réticences populaires à accepter ses réformes agraires, scolaires ou autres. Les premières mesures du parti ont d'abord été dictées par son souci d'asseoir durablement son pouvoir par l'élimination physique de ses adversaires potentiels. Les arrestations d'intégristes musulmans, d'intellectuels occidentalisés, d'officiers croyants et de clercs islamiques traditionnels ont commencé dès les premiers jours du nouveau régime. Puis, la cruauté du régime a très vite convaincu les Afghans que ce n'était pas de ses mains-là qu'ils voulaient recevoir des réformes. Les attaques les dirigeants contre la religion musulmane ont été le principal détonateur de la révolte. À Moscou, alors, comment observe-t-on cette situation ? Avec une très grande circonspection. Mais pourquoi ? Les Soviétiques, à l'évidence, n'ont pas envie de s'engager plus avant. Or, certes, ils ont envoyé en Afghanistan des conseillers militaires, des armes, des biens d'équipement. Mais ils n'entendent pas aller au-delà, uniquement pour des considérations de politique internationale. C'est quoi ? C'est pour ne pas passer pour des agresseurs ? Ben, c'est évident. Ouais. À l'époque, l'URSS prêche la détente et fait des efforts considérables en direction des pays du tiers-monde. Donc, pas question de ternir l'image de la patrie du progrès, fer de lance des luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes, pour reprendre leur jargon en vigueur. Et tenez, je suis même sûr qu'au Politburo, certains devaient déjà regretter d'avoir transformé si vite l'Afghanistan en démocratie populaire. Oui, parce que le pays n'était pas prêt. Hein. Il sortait tout droit du Moyen-Âge et n'avait pas de classe ouvrière. Donc, selon le credo marxiste, bah, il n'était pas mûr. Je suis persuadé, d'autre part, que les experts soviétiques n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur de l'opposition que suscitait la politique de Taraki. Ça, c'est une erreur d'appréciation. Ah, incontestablement. Mmh. Mais en mars 1979, il se produit un événement considérable. Racontez, hein. La troisième ville du pays, Herat, tombe aux mains des rebelles. Et pour les dirigeants de Moscou, ça fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ils comprennent, enfin. Presque immédiatement, le président Taraki appelle les dirigeants soviétiques au secours. Et que veut-il L'envoi de troupes. C'est-à-dire l'intervention de l'armée rouge. Exactement. Quoi, hein. Mais une nouvelle fois, à Moscou, on hésite. Envoyer des blindés à Kaboul, je vous l'ai dit, c'est aussi mettre en péril la politique soviétique de détente et de désarmement. Alors même que l'OTAN envisage de déployer des fusées en Europe. Est-ce que l'Afghanistan mérite de tels sacrifices ? Il y a donc débat au sein des plus hautes instances, là ? En effet. Il y a les partisans de l'intervention et les autres qui soulignent la grande faiblesse du régime afghan, son impopularité, ses excès. Si les troupes soviétiques devaient intervenir, elles seraient obligées de combattre le peuple, de l'écraser. Ouais, ben, quoi, attendez, là, en d'autres circonstances, à Berlin, à Prague ou à Budapest, hein, le Kremlin n'a pas eu ce genre de scrupules. C'est vrai. Enfin, les temps ont changé. Alors, Taraki, assez habilement, propose un subterfuge. Mais c'est quoi son nom ? Ben, il dit en substance, aux soviétiques, envoyer des soldats ouzbeks, tadjiks ou encore des turkmènes, autant d'ethnies qui existent aussi en Afghanistan. Personne ne pourra faire la différence. Ouais, mais alors ces hommes, on pourrait les revêtir d'uniforme de l'armée afghane, j'imagine ? Naturellement. Ainsi, l'URSS ne pourrait pas être accusée d'intervenir directement en Afghanistan. Ça me paraît quand même cousu de fil blanc, ça. Enfin, on aurait fini par s'apercevoir qu'il s'agissait en fait de soldats de l'armée rouge, non ? Certainement. Mais les apparences auraient été sauves. Et d'ailleurs, nous le verrons un peu plus tard, on créera un bataillon musulman, comme on l'appellera peu péjorativement à Moscou. Et en attendant, si j'ai bien compris, le Kremlin tergiverse. Sur le terrain, les forces gouvernementales, après la prise d'Herat, ont repris momentanément une relative supériorité. La ville rebelle est écrasée sous les bombes de l'aviation. Mais ce n'est qu'un répit de courte durée. Ouais, les islamistes repassent à l'action. Enfin, ils n'ont jamais vraiment cessé de harceler les troupes gouvernementales. Mais au cours de cet été 1979, incontestablement, ils accroissent leur offensive. Est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent de l'aide ? Ça, j'en suis sûr, car ils disposent de plus en plus d'armes. Et des armes de quelle origine, alors ? Bon, la plupart de celles qui sont saisies proviennent des pays de l'Est. Enfin, ça ne signifie pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien souvent, ce sont des armes qui ont été volées dans des dépôts gouvernementaux ou prises au cours des combats. C'est ce que prétendent en tout cas les chefs de la rébellion. Mais ils ne disent pas toute la vérité. Des armes fabriquées à l'Est ont été achetés dans des pays amis qui en disposent. Et quels pays ? L'Égypte, par exemple, qui a été longtemps pourvue de matériel militaire soviétique. Mais qui les achète, ces armes ? Ce n'est pas très compliqué à trouver. La CIA, bien sûr. La CIA qui les achemine jusqu'au Pakistan et se débrouille avec les services secrets de ce pays pour les faire passer de l'autre côté de la frontière. Ah, et les donner aux rebelles. Donc. Oui, aux Moudjahidines, comme on va désormais les appeler, c'est-à-dire les combattants de la guerre sainte. Vous prétendez donc alors que la CIA aidait ces rebelles avant même que les troupes soviétiques ne pénètrent physiquement en Afghanistan. Ah, ça, je suis formel. Ouais. Alors quand, enfin, si je me souviens bien, les Soviétiques ont accusé les Américains d'ingérence en Afghanistan, afin de justifier leur propre intervention. Ben, ils avaient raison. Oui, mais pour une fois, il ne s'agissait pas seulement de propagande. En fait, mais on ne l'apprendra que beaucoup plus tard, les États-Unis ont sciemment agi ainsi dans le seul but de précipiter l'URSS dans le piège afghan. Bon, je ne reviens pas sur ce thème que j'avais largement évoqué autrefois. Donc, au cours de cette année 1979, les Moudjahidines remportent de plus en plus de succès. En août, par exemple, c'est la garnison de Kaboul qui se révolte. L'aviation soviétique basée dans la capitale afghane doit intervenir pour mater les mutins. Moscou est donc militairement engagé. De plus en plus. Il apparaît à tous les observateurs que l'URSS soutient désormais à bout de bras le régime du président Araki. Et à la mi-septembre, coup de théâtre. Hafizullah Amin, qui occupe alors le poste de vice-président et de ministre des Affaires étrangères, destitue le président Araki et le fait assassiner. Peut-être même le tue-t-il de ses propres mains. Ah oui, les Borgias toujours. Hein. Et il s'installe à sa place alors à la tête du pays. Pourtant, ils sont communistes tous les deux. Et mieux que cela, je vous l'ai dit, ils appartiennent à la même tribu. Ah, explication alors. Il y en a deux possibles. L'une, qui aura un peu plus tard la faveur des soviétiques, c'est que Amin, qui a fait ses études aux États-Unis, je vous le rappelle, a été manipulé par la CIA. Ah oui, mais dans quel but alors ? Exacerber encore un peu plus les tensions dans le pays. Et donc forcer Moscou à intervenir militairement en Afghanistan. Ah, et c'est toujours la théorie du piège, là. Hein ? Et l'autre explication, alors ? C'est à Moscou qu'on a pris la décision d'éliminer Araki parce qu'il ne donnait pas satisfaction sur le terrain. Et votre avis, alors ? C'est peut-être une réponse de Normand, mais les deux explications se tiennent toutes les deux. Mieux, elles ne sont peut-être pas forcément contradictoires. Car Amin, assez rapidement, donne des sujets d'inquiétude aux soviétiques. Et de quelle horreur ! Il fait quelques gestes en direction des islamistes, libère des hommes emprisonnés par son prédécesseur et procède à de très sévères purges dans les milieux dirigeants, donc proches de Moscou. Alors, autant d'initiatives là, qui font grincer des dents chez les gérontes du Kremlin. Ah oui, ce sont de véritables provocations. Et des provocations inutiles. Inutiles, pourquoi ? Parce que ça ne ralentit en aucun cas l'action des Moudjahidines, bien au contraire. On estime à l'automne 1979, c'est-à-dire quelques semaines après la prise du pouvoir par Amin, que les trois quarts du territoire afghan sont sous le contrôle des rebelles. Donc, du point de vue de Moscou, non seulement le nouveau président afghan est politiquement douteux, mais il se révèle incapable de juguler l'action des Moudjahidines. Et la conclusion qu'en tirent certains dirigeants soviétiques, c'est qu'il faut intervenir militairement le plus vite possible. Sinon, l'Afghanistan va devenir une nouvelle république islamique. Comme sa voisine, l'Iran. L'Iran où Khomeini a pris le pouvoir seulement quelques mois plus tôt. Vous voyez donc que, de leur point de vue, si les soviétiques veulent que l'Afghanistan demeure dans leur zone d'influence, ils sont presque obligés d'agir. Est-ce qu'ils vont faire ? Évidemment. Mais ici, il faut quand même se poser plusieurs questions. D'abord, comment Moscou, qui avait truffé tous les services afghans d'agents du KGB, a-t-il pu si vite perdre la main ? Au point de devoir utiliser les grands moyens pour rétablir la situation. Vous voulez dire là qu'il aurait pu avoir une forme de sabotage ? Pourquoi pas ? Et d'autre part, pourquoi, alors qu'une partie notable des membres du Politburo a toujours refusé de se lancer dans l'aventure militaire, le Kremlin va soudain se prononcer en faveur de l'intervention militaire ? Et cela avec une étonnante précipitation, et même dans une grande confusion. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Confusion, a dit Monsieur X, on en a une parfaite illustration avec le récit de ce colonel du KGB, Yakov Semenov, chargé avec son commando de prendre le palais du président Amin et de liquider ce dernier. Un extrait, avant de revenir plus longuement sur les fêtes avec Monsieur X. Je me souviens très bien d'une réunion de planification autour du 10 décembre. Le lieutenant-général Gouskov, adjoint du commandant des troupes aéroportées de l'URSS, me convoque et me prie de lui expliquer comment je compte m'emparer du chêne. C'est la première fois que j'entends mentionner cet objectif, et de surcroît qu'on me demande de l'attaquer. Je lui demande de quoi il s'agit. Il me regarde interloqué sans dire un mot. Après coup, j'ai compris. Gouskov a cru que je feignais l'ignorance. Il était certain que je savais que le chêne était le palais présidentiel. Mais en fait, je ne savais rien. Il n'avait aucun renseignement, rien de rien. Pas de plan du palais présidentiel, pas d'agent pour me renseigner à l'intérieur. Je me suis efforcé de collecter des données sur le palais en interrogeant notre interprète et un membre de l'antenne qui connaissait bien les lieux. Je n'ai pu rassembler que des miettes très insuffisantes, mais suffisantes pour se rendre à l'évidence. La mission était impossible. Comment attraper le chat dans un palais sombre dont on ignore tout ? Ce récit a été publié dans le premier numéro d'un nouveau magazine « Guerre et Histoire ». Alors, voyons la première question, la plus importante. Comment a été prise la décision à Moscou et pourquoi ? Je vous l'ai dit, à l'intérieur de l'instance suprême, le Politburo, il y a débat. Certains, et pas des moindres, comme Kosygin et Gromyko, sont contre. D'autres, tels Andropov et Oustinov, sont pour. Et Andropov, patron du KGB, et Oustinov, ministre de la Défense, c'est bien ça. Hein. Donc en gros, les représentants des organes de sécurité, comme on disait là-bas, là, contre les civils. Et aussi contre l'état-major de l'armée. Ah oui, parce que l'état-major n'est pas pour l'intervention. Et alors Brejnev, là, le numéro 1. Il est très malade, sinon sénile et on pourra lui faire signer ce qu'on veut. Ouais. Mais ce que vous me dites quand même m'étonne, moi. Je me souviens très bien que lors de notre premier entretien sur le sujet, il y a une bonne dizaine d'années, vous pensiez qu'Andropov était plutôt opposé à l'intervention militaire. C'est juste. Et il a fallu que soient révélés un certain nombre de documents classifiés pour y voir plus clair dans le jeu de Yuri Andropov. Mais encore un peu de patience. J'ajoute quand même qu'au départ, il n'était peut-être pas partisan de la nécessité d'une intervention. Alors pourquoi a-t-il changé d'avis ? Je vous expliquerai. Ouais, c'est ça, n'allons pas trop vite. Ouais, alors je reviens à ce que je disais. Le débat au sein du Politburo. Les civils, Kosygin et les autres, jugent très lucidement qu'une invasion soviétique de l'Afghanistan risquerait de ternir durablement l'image de l'URSS. En outre, ils ne doutent pas qu'une intervention militaire sera très difficile. À cause du terrain. Et du caractère indomptable de ses habitants. Par conséquent, si Andropov et Oustinov veulent obtenir l'accord du Politburo, il leur faut ruser. Et mentir. C'est tout à fait ça. Et ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord, il faut convaincre que si on élimine Hafizullah Amin, il existe une solution de rechange. Mais qui alors ? Le troisième homme, Karmal. Il s'est prudemment replié à Prague après avoir été mis hors jeu par Taraki. Mais il est tout prêt à revenir à Kaboul. Même dans les fourgons de l'armée rouge ? Ah bah c'est un communiste, n'oubliez pas. Ensuite, Andropov et Oustinov ne parlent pas d'invasion soviétique, mais simplement d'une assistance militaire accordée aux forces afghanes pour juguler la rébellion. Oui, on sous-estime donc sciemment l'importance de l'opération. Oui, pour ne pas effrayer les civils du Politburo et Brejnev. Le patron du KGB estime même que seule une intervention dans la capitale Kaboul serait nécessaire. Enfin et surtout, Andropov se livre à une brillante manœuvre de désinformation. Mais l'objectif alors ? Accréditer l'idée qu'Hafizullah Amin est de mèche avec les Américains et qu'il s'apprête à mettre fin à l'alliance entre son pays et l'URSS. Ce qui, si je vous ai bien compris, n'est peut-être pas tout à fait faux. En effet, mais il faut exagérer le danger et l'imminence de la trahison du président afghan. Enfin, et c'est notable, toutes ces discussions au plus haut niveau se déroulent dans le plus grand secret. Ça, ça me paraît normal. Hein. Mais aussi dans un extraordinaire climat de méfiance. Dans les comptes rendus des réunions, on n'évoque jamais l'Afghanistan que par la lettre A. Et parfois, l'objectif n'est même pas clairement désigné. C'est très habile, car ça va permettre à Andropov, le véritable instigateur de toute l'opération, de forcer la main des plus hésitants. Au fond, on assiste à une sorte de putsch intérieur. La meilleure preuve, c'est que le principal opposant, Kosygin, est absent quand Andropov, le 12 décembre, arrache au Politburo la décision de l'intervention militaire. Ah oui, alors Kosygin n'a donc pas signé. Ah, c'est la vérité. Et le 12 décembre, c'est tout juste 2 semaines avant l'invasion soviétique. C'est exact. Donc la préparation de l'opération a été très brève. Ah, même si Oustinov, le ministre de la Défense, a précédé le mouvement. Illégalement, donc. Oui, 2 ou 3 jours avant la décision du Politburo, il a déjà commencé à organiser les transferts de troupes. Des transferts massifs, contrairement à ce qu'il a affirmé devant l'instance suprême. Il envisage l'engagement de dizaines de milliers de soldats. Et concrètement, alors, comment ça va se passer, ça? Tandis que Karmal, l'homme chargé de remplacer Amin et pris en charge par le KGB, est conduit clandestinement sur une base soviétique en Afghanistan, ce même KGB se prépare à liquider physiquement le président en place. Est-ce que Amin se méfie? Des Russes? Non, non. Il n'avait même eu de cesse de demander à Moscou de renforcer sa présence militaire en Afghanistan. Ce qui bat un peu en brèche la thèse de la collusion entre Amin et les Américains. Oui et non. Amin pouvait essayer de donner le change. Mais pour revenir à votre question, il avait entièrement confiance. Et la suite le prouvera. Alors comment le KGB envisage-t-il de le tuer? En l'empoisonnant. Et pour réaliser cet objectif, le service soviétique a introduit dans son entourage un chef cuisinier qui est un agent. Ouais, par conséquent, ce n'est pas, encore une fois, une manœuvre de dernière minute. Ah, c'est évident. Amin était ciblé depuis longtemps. En tout cas, le 14 décembre, on passe à l'action. Et qu'est-il prévu exactement? Son repas est empoisonné. Et aussitôt après, un commando des forces spéciales prend possession des lieux et arrête ses proches. Mais Amin, s'il ne se méfie pas des soviétiques, est très soupçonné. Et que craint-il alors? Il n'ignore pas qu'il a de nombreux ennemis. Les Moudjahidines, bien sûr. Mais aussi les proches de Taraki, qu'il a fait assassiner. Donc, il a pris la prudente habitude de faire goûter les plats qu'on lui présente. Et ce sont les gens de sa famille qui sont victimes de cette tentative d'empoisonnement. Ils en meurent? Non, mais ils sont sérieusement indisposés. Ça incite en tout cas Amin à multiplier les précautions et il déménage dans un palais présidentiel situé en dehors de la ville qu'il transforme en un véritable bunker, protégé par des centaines de soldats qui lui sont fidèles et des blindés enterrés. Ça va donc être plus difficile de l'atteindre. En effet, mais le temps presse. Car l'invasion militaire russe est prévue pour le 25 décembre et le scénario est prêt. Racontez-le. La fiction est celle-ci. Un commando de Moudjahidin assassine le président. Aussitôt, le peuple prend fait et cause pour le pouvoir communiste. Et Amin est remplacé par un authentique dirigeant communiste, Karmal. Celui-ci, pour restaurer la paix dans le pays, en appelle fraternellement au grand frère soviétique qui l'épaule militairement. Oui, le Kremlin, au fond, n'en a pas usé autrement en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Et en Hongrie, l'ambassadeur de l'URSS était un certain Andropov. Donc, si je puis dire, il connaît bien le film et il est bien placé pour réaliser un remake. Seulement, il y a l'obstacle, Amin. Donc, il a fallu improviser en toute hâte. Et qui devait opérer là? Il y avait d'abord 2 commandos de 30 hommes des forces spéciales, des gens en principe entraînés. Mais on apprendra plus tard que c'était la première fois qu'ils étaient engagés dans une manœuvre aussi hasardeuse. Et puis en appui, il y avait aussi ce que les soviétiques ont appelé eux-mêmes le bataillon musulman. Ces 500 soldats issus des républiques d'Asie centrale qui avaient revêti l'uniforme afghan. Et l'action elle-même alors? Elle a eu lieu le 27 décembre. Alors que l'invasion a commencé le 25 décembre. Et c'est le premier accroc dans le plan prévu. Donc on ne parlera plus d'une attaque des Moudjahidines, mais d'une réaction populaire contre un dirigeant tyrannique et corrompu. Et dans les faits, comment ça se déroule là? Comme lors de l'opération avortée du 14 décembre, on commence par une tentative d'empoisonnement. Malgré les précautions prises par Amin, Oui, ça a dû être plus subtil que la première fois, car le président afghan est vraiment empoisonné. Mais il ne meurt pas. Et il appelle l'ambassade soviétique et réclame d'urgence le secours de médecins russes. C'est-à-dire qu'il réclame les soins de ceux-là même qui ont essayé de le tuer. Et ça prouve bien qu'il ne se méfiait pas des soviétiques. Et là, alors, que se passe-t-il ? Ah ben c'est assez incroyable. À l'ambassade, où l'on n'est pas forcément au courant de ce qui se trame, on réagit avec célérité. Deux médecins partent pour le palais présidentiel et commencent à soigner efficacement Amine. Ils pensent le sauver ? Absolument. Et pendant ce temps-là, l'extérieur, les commandos attendent le feu vert. Et tout ça me paraît effectivement improvisé. Et encore plus que vous ne le pensez. Ces militaires ne disposaient ni de véhicules, ni même de gilets pare-balles. Ils ont tout emprunté à ce bataillon musulman dont je vous ai parlé. Ouais. Et ce feu vert, alors, pour l'attaque, là, qui devait le donner ? Un agent infiltré dans le palais présidentiel qui se tenait au courant en permanence de l'état de santé d'Amine. Mais finalement, le type a dû juger qu'il n'était plus temps d'attendre et il a donné le feu vert. L'attaque a donc eu lieu. Et malgré l'impréparation et le feu nourri qu'ils ont dû subir, la plupart des hommes des deux commandos ont réussi à investir le palais présidentiel. Et Amine, hein ? Lorsqu'ils l'ont trouvé, il était encore en train d'être perfusé. Ouais, par les médecins, là. Mmh. Et il a été abattu, hein ? Lui est l'un des médecins soviétiques qu'il soignait. Et bien sûr, tous les témoins présents dans le palais. Ouais. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Avez-vous promis de m'expliquer l'attitude d'Andropov ? Et je m'y emploie tout de suite. D'abord, opposé à l'invasion de l'Afghanistan, je crois que le patron du KGB a décidé de jouer une carte personnelle. Il était, nous en avons souvent parlé, très lucide. Et il avait compris avant bien d'autres que l'URSS ne cessait de prendre du retard par rapport à l'Occident. Ouais, sur le plan économique. Et technologique. Ouais. Et il ne fallait pas attendre de sursaut d'un Brejnev affaibli. Il a alors pensé que l'aventure afghane promise à échouer jouerait peut-être le rôle d'un électrochoc. Seul bémol, il n'envisageait sans doute pas que la guerre durerait presque 10 ans. Mais il croyait qu'elle permettrait au KGB, et donc à lui-même, de jouer le premier rôle. Ouais, pari dangereux, hein ? Sans doute, mais pas tout à fait perdu. Qui se trouve aujourd'hui au commandement russe ? Les héritiers directs du KGB, à commencer par Poutine. Je vous rappelle la parution du récit inédit du colonel Semenov dans le nouveau magazine Guerre et Histoire. Et je vous signale la publication en octobre 2010 chez Talendier d'un ouvrage sur les services secrets russes signé par l'historien Andrei Kozovoy. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez exercer votre art dans la balado-diffusion. Rebecca de Nantes a préparé cette émission, Michel Biou l'a réalisée et Monsieur Joub l'a colorée.